Amis du Hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en ciel et marine pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. Bonne année pour 2022 à vous tous, en vous souhaitant une année bien meilleure que les deux dernières que nous venons de passer. Autour de la table avec moi pour cette émission, vu les chamboulements d'effectifs dus au Covid, il était indispensable d'avoir notre docteur S compo d'équipe pour muscler le débat, Florian Passet, capitaine pour ce soir. Salut Florian. Salut à tous. En parlant de Covid, il a fini sa tablette de Doliprane pour être avec nous, car une grande première ne se joue pas sur un jeu de dés. Polo fait ses grands débuts dans Les Activistes ce soir. Salut Polo. Bonsoir tout le monde. Au sommaire ce soir, Gémeaux et Lyonceau, retour sur Hack Sochaux, et activez-vous la rubrique des auditeurs internautes. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre, et nous allons vous le prouver maintenant. Les Activistes saison 2, c'est parti, et tout de suite, retour sur Hack Sochaux. Restant sur les fruits d'une belle victoire à Auxerre, les Hackmen recevaient samedi l'équipe qui occupait la place juste devant eux, synonyme de play-off en fin de saison. Outre la volonté d'enfin frapper fort à la maison contre un gros, le classement était également un objectif à obtenir. Messieurs, il y avait pas mal d'absents sur la grille de départ côté Hack. Entre autres, donc Thiaré qui s'est rétabli mais qui était encore un peu malade, donc qui a été laissé encore une semaine de plus au frigo. Ben Mohamed avec sa blessure au genou chronique. Et on va parler de nos 7 Covidés pour ce match. Fofana et Koné dans les buts. Déjà, c'était assez sympathique. Et ensuite, pêle-mêle, Fontaine, Abdelli, Mbemba, Wam et Amir Richardson pour ce qui est des titulaires. Flo, comme d'habitude, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec toi pour la composition de l'équipe. Au vu des absents, finalement, l'équipe qu'aligne Polo n'était quand même pas si mauvaise que ça. Ouais, sur le papier, c'était pas si mauvais. La ligne d'attaque qui ne change pas, plutôt intéressant. Une défense qui, sans touple, semblait solide. Petite surprise quand même de voir Mayembo sur le banc. Mais on en parlera plus tard avec les matchs de Sanganté et Touré, c'était plutôt ok. Ma seule crainte pour moi, c'est évidemment le changement dans les buts. Parce qu'un gardien qui ne joue pas beaucoup la saison, qui remplace un gardien qui, pour moi, ça a discuté, mais peut-être le meilleur de Ligue 2, ça m'a fait un peu peur. Surtout contre une équipe de Sochaux qui a besoin aussi de gagner pour se rassurer et de continuer sur sa lancée pour les playoffs. Donc ouais, une compo mitigée sur ça. Après, le milieu de terrain, quand j'ai vu Bonnet dans l'axe, j'étais un peu partagé parce que ça manquera un peu de côté physique que pouvait ramener Richardson. Mais avec peut-être un peu plus de gestion et un peu plus de malice. Donc j'étais un peu partagé. Donc on verra dans la rencontre si ce choix de Bonnet dans l'axe était judicieux. Polo, pour toi, est-ce que tu vois quelque chose à redire sur la présentation de Flo? Est-ce que tu te dis il y aurait peut-être eu autre chose à faire, un joueur qui est rentré que tu aurais préféré voir, ou est-ce que finalement c'est la composition d'équipe que tu attendais? C'est plutôt logique au final, comme disait Flo. L'équipe était, à part Fofana, Richardson, elle n'était pas si amoindrie que ça dans les titulaires. Donc le 3-4-3, même si c'est plus un 3-4-2-1, c'est ce qu'on utilise sur les derniers matchs, donc pas vraiment assez d'accord pour Bonnet, qui a un peu tendance à ralentir le jeu et qui manque d'impact physique. Ah, j'aurais peut-être inversé Bonnet et Bas, mais à part ça, ça me paraissait logique aussi. On va commencer, messieurs, tout de suite avec l'entrée du match. Et déjà, la première information, c'est le déluge qui est tombé sur le Stade Océane et sur le Havre en avant-match. On a vu Samuel Olivier et Robert Malm d'ailleurs prendre un petit peu la sauce. Je pense qu'il y a eu quelques sourires légèrement moqueurs dans les tribunes et devant les télés quand on a vu ça. Polo, toi, t'étais au match. C'était quoi? C'était à mi-chemin. Vous avez cru que Moïse allait débarquer sur le parking du stade? C'était à peu près ça? Ouais, ça, à peu près ça. Après, c'était pas une pluie non plus. Disons qu'en fait, ça s'est pas arrêté. Ça pleuvait depuis le matin. Ça a continué toute la soirée, toute la nuit. Parce que la pluie, c'était pas non plus des trombes d'eau, mais ça a pleuvé sans discontinuer. On voyait des rafales de vent qui passaient le long des toits, qui faisaient bouger des rideaux de flotte. Et puis, le gros problème du stade Océane, c'est que on sait très bien qu'au stade Océane, il n'y a pas que les joueurs qui sont mouillés quand il pleut, les spectateurs aussi, puisque le toit fuit partout. C'est donc un bon début de match bien sympathique qui s'annonçait, mais au final, les conditions n'en ont eu cure. Les Havrais ont bien débuté, Flo, avec trois occasions dans le premier quart d'heure. Déjà une petite percée de Bouteille qui obtient un corner sur lequel le cal a dévissé sa frappe. Et ensuite, il y a les deux actions sur centre, avec d'abord la première, avec Touré qui récupère ce ballon à bord surface, qui lance Bonnet, qui remonte sur 50 mètres, décale Alioui pour une tête de Bouteille au-dessus, et ensuite la deuxième, le centre de Cornet, à nouveau pour Alioui, qui cette fois est à la finition, qui décroise bien sa tête. Il oblige Jeannin à une belle parade. On se dit, c'est plutôt pas mal entamé et ça fait plaisir à voir. Ouais, comme souvent avec le Havre, hein, les premières minutes, t'as l'impression que c'est une équipe très offensive, technique. Il y avait des combinaisons Cornet, Alioui et Bouteille. Je me dis, c'est quand même incroyable de combiner à trois dans des petits espaces comme ça et derrière un peu de, pas devant danger, mais de rater ses occasions. À noter aussi que malgré les conditions, la pelouse, impeccable. C'est quand même un élément à souligner. Malgré les trombes d'eau, il y a jamais vu le ballon s'arrêter dans une flaque. J'ai jamais vu des joueurs en difficulté pour contrôler, pour faire des passes et tout. C'était nickel. Donc, plutôt plaisant. Parce que ce genre de match-là, de reprise sous la flotte, deux équipes qui veulent surtout pas perdre, ça aurait pu se transformer en un 0-0 tout dégueulasse. Et au final, on a eu du jeu au moins sur la première mi-temps. Après, pour revenir sur les occasions, moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est quand même celle de Baldé, qui, après un bon décalage de Cornet, est seul sur son côté. Après, il est en bout de course. Il avait auparavant été touché au nez, donc il saignait du nez, donc il avait du coton dans le nez. Donc c'est vrai que le mélange de tout ça pour faire une occasion, c'est compliqué. Mais ouais, non, début de match, comme souvent, où on a des occasions, mais soit c'est trop timide, soit c'est pas assez appliqué. Et du coup, on se dit, je sais pas vous, mais moi, comme souvent, je me dis, c'est un match qu'on peut gagner parce que ça combine bien, on joue bien, les joueurs se trouvent et qu'on peut avoir de belles occasions et marquer. En plus, il faut un bon gardien pour sortir surtout la tête d'Alioui et la frappe de Baldé. Donc, sur les 30 premières minutes, je me dis qu'il y a moyen. Polo, on est à la 27e minute. Baldé vient justement de frapper sur ce décalage de Cornet. C'est la plus belle action. Ça commence à monter tranquillement. Et est-ce que toi, tu te dis à ce moment-là, allez, il y a quand même quelque chose de sympathique, il n'y a pas de raison que ça passe pas? Ou est-ce que tu te dis, avec ce côté Gémeaux qu'a le hack, ça commence à faire beaucoup et qu'on va se faire cueillir si ça continue comme ça? La réponse est un peu dans la question que tu poses. En plus, d'ailleurs, je l'avais tweeté en tweetant que les premières demi-heures étaient quand même plutôt sympas. On restait un peu sur la lancée du match à la Baie des Champs. Alors, aidé aussi par le fait que Sochaux a jamais fermé le jeu. Ce qui aide en général aussi à avoir des bons matchs. Mais oui, je me disais clairement qu'il y avait les moyens. Flo l'a très bien dit. Ça combinait bien. Boutaïb, donc je suis un grand détracteur. Moi, je l'ai trouvé plutôt très bon sur cette première mi-temps. Et on se dit il y a les moyens. Mais comme tu dis, même on loupe une occasion, deux occasions, trois occasions, et puis. Il y a un moment, si tu concrétises pas tes occasions, en face, quand ils vont en avoir, ils vont pas se faire prier pour le faire. C'est un peu ce qui arrive en seconde mi-temps, on va y revenir après. Mais oui, faut mettre au fond quand c'est ton temps fort. Après, une fois que le train est passé, c'est compliqué. Et puis le train est passé côté Havre, mais il n'est pas repassé ensuite côté Sochalien, étant donné qu'il y a deux belles occasions. Ndiaye déjà qui reprend un superbe centre de Kaloulou à la 31e et il dévisse complètement sa frappe qui va finir à côté du poteau de corner, alors que vraiment le but était ouvert, il lui était pratiquement donné. Et 4 minutes après, à nouveau ce même Ndiaye sur une belle frappe, mais son enveloppé n'accroche pas le cadre et on en reste assis pour la première période. Il n'y avait pas besoin de laver les maillots à la mi-temps. Par contre, effectivement, un double cycle d'essorage n'aurait pas été du luxe dans les vestiaires, tellement on voyait que les maillots étaient dégueulés de flotte. J'ose espérer que qu'ils ont des matières suffisamment drainantes, parce que on sait ce que ça peut être quand on joue au foot avec des maillots qui retiennent un peu la flotte. À la fin, ça devient un peu lourd. Et donc 0-0, une bonne domination havraise, pas encore trop dangereuse dans la première demi-heure, et une grosse alerte sochalienne en guise de piqûre de rappel dans le dernier quart d'heure. Flo, va rattaquer la deuxième mi-temps tranquillement et Touré essaye d'entrer, de mettre en danger Jeannin et sa tête sur corner au premier poteau. On se dit c'est bon, on repart comme en première mi-temps. C'est souvent comme ça, j'ai l'impression que les débuts de mi-temps sont souvent l'avantage des Havrais. Pourquoi, je ne sais pas. Là, on ne pourra pas parler de fraîcheur physique parce que les deux équipes reviennent de trêve. Il n'y avait pas eu de match depuis assez longtemps. Ouais, sur les corners, alors je ne sais pas vous, messieurs, je vais vous poser peut-être une question. Moi, quand je vois des coups francs de cornettes, je me dis tout le temps ça peut être dangereux. Autant les corners, le nombre de corners qu'on a eu, j'étais quand même un peu déçu pour un gars qui... Alors après, c'est quand même un geste technique à bien placer dans la surface. On en a eu peut-être quoi, je sais pas, allez, une petite dizaine de corners, j'en ai trouvé peut-être un ou deux dangereux, je sais pas vous. Mais c'est une maladie depuis 15 ans, les corners au Havre. Ouais, mais là, quand on a un vrai tireur, entre guillemets, de coups de pied arrêtés, il est vanté... bon, après, il a mis deux coups francs cette saison, c'est quand même pas mal, mais c'est pas non plus... le nombre de matchs quand même un dieu, mais c'est bizarre, je sais pas, c'est après, je pense qu'en plus avec la taille on pourrait être super dangereux. Parce que après j'ai envie de te dire, on a Fontaine qui est pas dégueulasse sur les coups de pied directs, sur les coups francs directs, qui est pas un peu moins bon cornet, mais qui est pas immonde non plus, et puis au niveau corner c'est une catastrophe aussi. Donc, je sais pas. Les corners, ouais, c'est un gros problème. Le truc, en fait, c'est que le corner, le beauté du corner, c'est un geste technique. Et comme tous les autres, bah, il doit se travailler et ça doit se faire. Mais je sais pas si vous aviez lu l'interview de Cornet quand on lui disait « Est-ce que vous travaillez vos corners ?» Bon, pas plus que ça. Ah, bon, d'accord. Bah ouais, mais donc, quand t'as des mecs comme Touré qui font 2 mètres, quand t'as Gibault, Boutaïb qui sont pas mauvais de la tête, parce que Boutaïb, le nombre de déviations sur des sorties de balles de la tête, on se dit que c'est vraiment une arme offensive, et vu notre inefficacité devant, c'est peut-être un des seuls moyens, en attendant le retour de Jamal et ses pénaux, que d'aller marquer. Et en plus de ça, pour enchaîner, j'ai trouvé le match de Touré, défensivement, vu qu'on parlait de lui, il avait face à lui un Virginius, que je dise pas de bêtises, un petit oui, gars. Oui, Virginius, oui. Et on s'est dit, il va se faire bouffer en vitesse, et quasiment à chaque fois, il lui met le petit coup de physique qu'il faut bien, il l'empêche de passer, et le pauvre, il a passé un mauvais match. Donc non, Touré très très content de sa prestation, bon, à part sur le but de Sochaux, où c'est un peu lui qui couvre, mais bon, ça c'est pas la plus grosse erreur sur cette action. Il a été intéressant, après dommage qu'offensivement sa tête passe à côté. Ah, on va y arriver gentiment au but, parce qu'au final il y avait quelques actions en première mi-temps, et donc là on est en entrée avec la tête de Touré. 10 minutes après, tu auras une frappe de Bonnet de 30 mètres qui passe quand même relativement loin de la cage de Jeannin, et on arrive au moment où moi j'avais dit, bah, après les deux occasions de Sochaux, fallait punir, et ben nous on n'a pas puni, et quitte à là pour Sochaux, lui ne s'est pas privé, il venait juste de rentrer, il est magnifiquement lancé par Vesbeck, qui est laissé complètement seul, et la frappe sèche de Kitala va tromper Gorgelin, 0-1. On est à la 65e minute, et on va reparler justement de l'action. T'en avais parlé, Flo, on va continuer. Je vois l'action, et je vois Vesbeck là tout seul pendant 2-3 secondes. J'ai revu la vidéo, je me dis, c'est pas possible, j'ai mal vu. Il a pas été. Un mec comme Vesbeck, on l'a pas laissé seul aussi longtemps que ça. Bah si, au final, on l'a laissé seul comme ça. C'est la première grosse erreur, et la deuxième erreur, tu en avais déjà parlé, bah c'est la couverture un peu lâche de Touré qui remet en jeu Kitala, qui peut ensuite aller faire son travail de buteur face à Gorgelin d'une belle frappe, et ça pouvait difficilement aller ailleurs qu'au fond des filets dans ces conditions. Ouais, alors je sais pas quelle est la plus grosse erreur, moi j'en vois trois. Déjà la première, tu l'as dit, c'est Esbeck tout seul. Un gars comme lui, qui pour moi est le meilleur joueur de Sochaux et de loin, un des meilleurs passeurs de ce championnat, tu le laisses tout seul comme ça dans une zone de confort, mais il va trouver l'espace parfait. Pour moi, la deuxième erreur, bon, on va dire Touré qui couvre, même si c'est tout l'alignement, parce que je pense que si c'est, alors je sais pas si c'est Gibault ou Sanganté qui est un peu premier niveau que Touré, je pense qu'il est pas loin de Kitala et qui peut l'intercepter. Et en fait, le Kitala, il est entre Sanganté et Gibault tout seul. C'est, on a trois défenseurs centraux, et ils ont un seul attaquant de pointe et le gars était tout seul. Ah, il est entre Gibault et Touré, Sanganté est plus bas. Ouais, Sanganté est plus bas. Donc, voilà, c'est peut-être un mauvais placement de Gibault. J'ai pas bien vu l'action, mais je me suis dit comment il fait pour être tout seul à la limite. Et après, bon, bah, Gorgelin, j'ai vu beaucoup de gens lui taper dessus sur Twitter, à tort ou à raison, hein, ça, je le défends pas. Après, le pauvre, il prend deux frappes cadrées dans le match. La première en première mi-temps, c'est une frappe de U8, U9. C'est quelque chose qui tout le monde pouvait arrêter. Et la deuxième, c'est un face-à-face. Le gars, il te met une minasse. Bon, j'ai vu des tweets très drôles de Fofana l'a arrêté un peu à la Fédé de la Loose avec le Paris Saint-Germain. Mais je pense que même Fofana, bon, il aura peut-être fait un exploit, mais là, c'est difficile de reprocher à Gorgelin peut-être son placement et encore, parce que là, franchement, il est dans la surface en 1v1. Le but, c'est quand même difficile à éviter, à moins que le joueur fasse vraiment un gros raté, c'était compliqué. Donc là, ouais, c'est un mauvais. En plus, c'est tout bête parce qu'il y a deux frappes dans le match, une seule en deuxième mi-temps. Moi, ma grosse crainte dans ce match, c'était Gorgelin qui a remplacé Fofana. Et je me suis dit, si on se prend des assauts, on risque de prendre des buts. Il se prend une seule frappe, un but. Alors après, on dira, oui, le gardien doit être là quand il faut. Là, il n'a pas été là. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Je trouverais ça dur. Et toi, Polo, sur l'action, est-ce que c'est quoi qui te marque le plus? Sur l'action, en plus, là, pendant que vous parliez, je suis en train de la re-regarder. Pour moi, c'est pas forcément un problème d'alignement de la défense. On peut toujours dire que Touré pouvait faire un pas en avant, mais ça se joue tellement au dixième de seconde que c'est compliqué. Pour moi, l'erreur, c'est surtout le cal qui laisse Welbeck tout seul. Hein. Et là, parce que c'est la passe de Welbeck qui fait tout. L'appel de Kitala est très bon, mais la passe de Welbeck est magnifique. Donc à partir de là, je pense que pour n'importe quelle défense, ça aurait été compliqué. Voilà, comme tu l'as mentionné, Welbeck, il est laissé complètement seul. Et je pense que la seule erreur, elle est ici. Et pour Gorgelin, je suis partagé parce que moi, je l'avais trouvé plutôt bon la première saison quand il est arrivé. L'année dernière, il a été un peu à l'image de l'équipe. C'était très compliqué. Sur ce match-là, en effet, c'est difficile de lui reprocher quelque chose. Il y a une frappe en première mi-temps qui est complètement anodine. Et derrière, un face-à-face, mais. Le ressentiment que j'ai de Gorgelin et que je pense que beaucoup de gens ont, c'est que Gorgelin il fait pas de boulettes. Mais Gorgelin, il est l'impression qu'il est jamais ultra décisif non plus en fait. Je sais pas si Fofana l'aura arrêté, on peut pas savoir. Mais Gorgelin donne l'impression qu'il va jamais sortir. Il va arrêter ce qui est facile à arrêter, mais il va jamais être capable de sortir. On a cette impression qu'il va jamais être capable de sortir l'arrêt qu'il faut au bon moment. Le gros arrêt difficile à aller chercher. Et je pense que c'est un peu ce qu'on lui reproche. Après, bon, sur Ouais, ce match-là, c'est compliqué. j'avais remarqué aussi sur une action sauve Chaline en première mi-temps, où il y a un ballon qui arrive dans la surface et qu'il y a un défenseur du HAC, je sais plus si c'est Sanganté ou Touré, et il est là, il peut sortir et soulager son défenseur, et il hésite, il y va pas, et du coup c'est un dégagement catastrophe. Il y a peut-être aussi un manque de confiance, t'es là, t'es le doyen, t'as passé presque quasiment toute ta carrière. Dans l'ombre du gardien de Lyon, t'arrives au Havre, t'es là une saison, tu fais une bonne saison, la deuxième elle est pas terrible. Tu te fais passer par un petit jeune. Ouais, peut-être que il y a un manque de confiance aussi. Et bon là sur ce match, confiance ou pas confiance, quand tu te prends deux tirs, ça beau avoir de la confiance ou pas, ça change pas grand-chose. Surtout sur ces deux frappes. Donc ouais, on le sent pas trop non plus serein. Donc ça aide, et Bon, ça aide pas non plus la défense. surtout qu'on peut rajouter sur ce match-là, même si la pelouse était très bonne, ce que tu as dit tout à l'heure, j'étais moi-même étonné. N'empêche que tu as un ballon qui fuse énormément, surtout sur une frappe à ras de terre comme ça. C'est à moins vraiment de mettre complètement un pied en opposition, ce qui était difficile dans sa position. C'était très très compliqué à arrêter de toute manière. Non, mais il y a peut-être le côté, comme vous dites, les gars, c'est qu'il s'est fait dépasser, il sait qu'il est numéro 2 dans la hiérarchie. Il a re-signé, là, il y a quelques mois pour une certaine durée, mais il a quand même le petit jeune devant et il a quand même la pression d'essayer de montrer au moins qu'il vaut mieux que le poste de doublure. Mais comme tu dis, il n'y a pas d'erreur. Mais il va pas y avoir l'arrêt formidable qui sort, comme par exemple il y a eu à Auxerre où Yaya en deuxième mi-temps va en sortir deux exceptionnels pour sauver 2 points sur les trois de la victoire. Donc il y a peut-être de ça. Puis il y a le côté, il est arrivé dans les bagages de Paul Le Guen et on a un gardien qui est formé au club. Il y a aussi ce paramètre-là qui est simple aussi à mettre dans la balance. Donc il y a aussi peut-être Ça un peu de devait ça être dur aussi quand dans même. des amours qui. T'as été remplaçant pendant, excuse-moi, je t'ai coupé, mais t'as été remplaçant pendant 7-8 ans. Bon, certes, dans un gros club français que t'avais pas le niveau pour être titulaire, mais tu retournes à l'étage du dessous en disant, oh, l'étage du dessous, ça devrait le faire. On te lance, on te fait confiance, t'es titulaire. Et puis en fait, au bout de 2 ans, tu perds ta place. Au bout d'un an et 1 an, 3 quarts, tu perds ta place par le C'est petit jeune surtout. du club qui monte, qui te pique ta place. Ça doit être difficile à encaisser quand même, hein. Et c'est surtout, t'es le choix du coach, hein, parce que c'était, oui, en plus, je me demande si c'était même pas une de ses toutes premières recrues à Paul Le Guen quand il est arrivé. Donc voilà, je voulais pas le dire parce que je voulais être sûr, mais c'est un choix fort, c'est le choix de Paul Le Guen. Il était en contact en plus avec Nantes avant qu'il prenne Alban Lafont, donc il y avait quand même normalement un certain niveau à avoir, qu'il a confirmé la première année, et puis la deuxième s'est baissée, et c'est sûrement peut-être aussi au prix d'une blessure, parce qu'il ne faut pas oublier que Gorgelin était blessé en préparation, et que c'est là que Fofana a construit sa place de titulaire avec les matchs joués et la boulette face à Rennes. C'est là qu'il a construit sa place de titulaire. Donc oui, effectivement, il y a quand même un peu de pression pour Gorgelin, qui se retrouve dans la position qu'il voulait éviter en quittant Lyon. On verra s'il est en mesure de jouer lundi prochain face à Paris, ou si Fofana sera apte au service. Ça, on le saura bien assez tôt. Mais c'est vrai que c'était potentiellement un peu compliqué. Parce que les gars, là, on parle là du but, on parle de Susanna, on dit le match n'est pas terminé. Là, au final, après ce but, ça a quand même été assez pauvre, parce que moi, je ne retiens ensuite que des 25 dernières minutes, qu'une frappe de Cornet à la 90e. Il s'avance, il frappe depuis l'aile gauche, le tir redescend, mais Jeannin est attentif et il dégage en corner, et il n'y a plus rien, il y a eu d'autre derrière. Une fois de plus, malheureusement, on le sait très bien, quand le HAC concède l'ouverture du score, c'est compliqué, et ça s'est encore confirmé une fois, Flo. Ouverture du score concédé et défaite à l'arrivée. Ouais, bah quand j'ai vu le but, personnellement, je l'ai tweeté, hein, j'ai dit que je n'y croyais plus trop, parce que je le dis souvent dans l'émission, si on s'en prend un pour aller gagner, bah, c'est quasiment impossible. En fait, j'ai pas vu de sursaut après le but. Je voulais parler le match de Bonnet. Sur 2-3 décalages, il a été bon, et après je l'ai pas beaucoup vu. Donc un peu déçu, parce que bah c'était le go. Après, je sais pas si Richardson aurait changé grand chose, peut-être dans un style différent, mais un peu déçu de Bonnet. Et ensuite le changement de Polo, j'étais un peu surpris, parce que moi je m'attendais qu'il change entre guillemets du poste pour poste, et là il fait entrer deux joueurs un peu plus offensifs, il sort Bonnet et Lécal, et il faut le dire, ils ont rien apporté, quoi. C'est peut-être moi qui ai un peu décroché sur le match, mais Ba et Mahmoud, ils ont. J'ai vu Mahmoud à un moment prendre. Il part sur un côté pour essayer de dribbler, et il y a une passe à faire, il fait pas, il s'entête et il fonce dans le mur. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh non, c'est fini, quoi. C'est dommage, parce que on reprend, quand on fait le déroulé du match et que tu reprends les 20 premières minutes avec les combinaisons Cornet, Bouteille, Balioui, je me dis, mais comment c'est possible de passer de ça à plus rien? J'ai pas de solution. Moi, quand je vois le HAC depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose, mais toujours un petit truc. Sauf l'année dernière où c'était vraiment une catastrophe. C'est soit on a eu un effectif de fou, mais il manque un entraîneur. Soit on gagne tous nos matchs à domicile, mais pas à l'extérieur. Soit on gagne tout à l'extérieur, mais pas à domicile. Soit on a un attaquant de fou, mais on a une défense de passoire. Soit on a une défense de passoire, une défense forte, mais on n'a pas d'attaquant. Enfin, j'ai déjà vu des tweets qui font passer. S'il n'y a pas le top 5 cette saison, tu peux déjà repartir pour une reconstruction, parce que Fofana, il va pas signer, il va partir. Richardson, il va se faire arracher par tous les clubs. Et je pense que au moins Isaac Touré va se faire aussi arracher par tous les clubs. Tu repars avec 3 joueurs en moins. En plus, tu as Baldé et Bourra qui sont en prêt. Est-ce qu'ils vont revenir? Ça, c'est pas sûr. Et là, tu repars pour une construction. Et on le sait très bien que la Ligue 2, je prends l'exemple de Toulouse, par exemple, ou même d'Ajaccio. Les équipes, ils se forment en 2-3 ans. Et le problème au HAC, c'est que t'as pas 2-3 ans, parce que le mec, il explose et il part l'année d'après, quoi. C'est ça qui manque au HAC, en fait. C'est 2-3 saisons de bâtir avec le club, d'ajouter la petite pièce qu'il faut à l'endroit où il faut pour augmenter. C'est ce qu'on a fait les dernières saisons, les dernières saisons, ça date un peu, où il y avait du temps chaud et tu gardais 2-3 joueurs, mais après, bah, l'année où ils sont forts, bah, ça explose et tout le monde s'en va, et après, bah, tu retournes, tu refais un cycle, et donc c'est pour ça que là c'est une déception. Alors après, rien n'est foutu, hein. On est à quoi, 4 points de la 5e place, on va affronter le Paris FC, bon, et Paris FC a un match en moins. Après, tout est possible en Ligue 2, mais c'est un peu triste. J'ai repensé à toi d'ailleurs, parce que ma Ligue 2 a fait un focus sur les 5 premiers ouais, ce matin, et je me suis dit, ah tiens, Flo va encore encore ruminé en se disant encore une occasion manquée de figurer là-dedans. Et c'est vrai que c'est dommage de louper coup sur coup et à la maison face à deux équipes justement qui sont dans le bon wagon, de louper des points, ça obligera quand même à avoir un rythme soutenu par la suite si on veut s'accrocher à une possibilité d'aller voir tout là-haut si c'est beau. Polo, toi, qu'est-ce que tu retiens justement de cette deuxième défaite à la maison consécutive, pas l'oublier, face à une équipe là aussi dans le bon wagon? C'est quoi? C'est retour à la normale? C'est encore juste un incident de parcours et c'est pas encore rédhibitoire, ou est-ce que pour toi c'est déjà fini? Alors déjà, je vais rebondir aussi sur ce qu'a dit Flo quand il a dit quand on a pris le but, pour lui c'était fini, parce que moi j'ai eu le même sentiment. Le HAC, c'est une équipe qui couvre pas le jeu déjà de base, qui joue en contre. Sochaux, après avoir marqué, ils ont cherché à conserver le résultat. Pour moi, à moins d'un miracle ou d'un exploit personnel ou d'une grosse boulette de Sochaux, on serait pas capable de revenir. Et c'est globalement ce qui s'est passé. Mais sinon, j'ai envie de dire, c'est moi, ça fait 24 ans que je vais au HAC. Ce match-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 10, 12 ou 15 fois sur les 25 dernières années. Vous savez, les années où vous jouez le maintien, où vous jouez la montée, puis il y a le match important à domicile contre un concurrent direct. À défaut de le gagner, faut surtout pas le perdre. Mais vous le perdez 1-0. Hein. Ajaccio, Amiens, Strasbourg... Il y en a plein, et je parle pas forcément de Ajaccio d'il y a 2 semaines. Retour à la normale, je pense qu'on a un effectif qui est légèrement meilleur que l'année dernière parce qu'on a des jeunes qui ont explosé, mais je pense que sur le papier, on a l'un des... Si je mets de côté l'année dernière, on a le moins bon effectif sur le papier depuis que Volpe est là, depuis 2015. Personnellement, j'avais aucune attente cette saison. Pour moi, l'objectif, c'était 45 points le plus vite possible, comme ça on est sûr d'être maintenu, le reste c'est du bonus. Ça, je pense que ça devrait être rempli. Honnêtement, je pense qu'on est en sur-régime depuis le début de la saison, que déjà la blessure de Thiaré avait montré que dès qu'on n'a plus notre bonhomme qui arrive à gratter des pénaltys bidons dans la surface adverse, ça devient compliqué. Il y a eu un petit miracle à Auxerre, parce que même si on a bien joué, je pense qu'on a eu quand même pas mal de réussite là-bas, qui nous a laissé espérer un peu plus, mais honnêtement, c'est pour ça que je suis déçu sans être déçu. Parce que je pense que de toute façon on n'a pas les armes pour viser plus haut cette saison. Et après, oui, par contre, on sait que, comme dit Flo, on est le HAC, on va perdre des joueurs en fin d'année, parce que Touré, il lui reste 1 an et demi de contrat, donc si on veut gagner de l'argent, si on peut qu'il parte gratuit, il partira cet été. Abdoulaba, c'est pareil, il est jusqu'en 2023, donc on va être obligé de le vendre cet été, sinon il partira gratuit. Alors Richardson, je crois qu'il a encore 2 ans de contrat, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de grosses écuries qui vont se battre pour lui. Ouais. Donc il y a un moment, même s'il a 2 ans de contrat, s'il y en a un qui arrive et qui propose 8 millions, on va le lâcher. Est-ce qu'on en est encore à avoir des montants comme ça sur des joueurs qu'on peut-être pas 8 millions, mais c'est ça le truc aussi, hein, faut pas oublier, ouais, c'est que, vois, une offre c'est que de ça 4, va baisser 5, quand même. Voilà. Club anglais, tu vois, même de 10e division. Je prends l'exemple de moi, c'est l'exemple qui me vient tout le temps en tête, c'est Mahrez. Alors c'est beaucoup moins Mahrez à l'époque. Et c'est un choix de... Il aurait pu monter en Ligue 1. Bon, après, il y a eu des histoires de Marseille, tout ça et tout, mais... Mahrez était en fin de contrat. Ouais, voilà. Et c'était moins cher, mais... On l'avait vendu 6 mois avant. C'est ça. Mais c'est le même genre de profil. Ouais. Ça peut venir d'un club de D2 anglaise. Bon, après, Richardson, je le vois plus monter vers la Ligue 1, mais un club qui cherche un joueur... En plus, c'est un joueur d'avenir. Je crois il est chez les jeunes français, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, ouais, non, ça sent le... Moi, c'est lui et Touré, surtout. Touré. Fofana. À 4-5 millions, plus à 15 ou 20% à la revente, ça peut être hyper intéressant pour le HAC. Hein. Donc, Fofana, il est en fin de contrat. Donc, c'est triste d'en parler à la 20e journée au milieu du championnat, quoi. C'est ça le problème. On le sait, à partir du moment où, de toute façon, où les contrats de tes jeunes, ils durent, t'as le droit de les signer 3 ans. Et à la première année, ils jouent pas parce qu'ils sont encore un peu bleus. La deuxième année, ils commencent à beaucoup jouer, voire même ils explosent. Bah, tu sais que, hop, t'arrives déjà à un endroit où tu dois les vendre parce que sinon, ouais, ils te font une année de plus, mais ils partent gratos. Donc, c'est de toute façon très compliqué. Alors, par contre, en parlant de jeunes, moi, je voulais mettre l'accent sur, notre autre défenseur central, notre autre petit jeune, Sanganté, que j'ai trouvé très bon. Et lui, par contre, c'est le genre de joueur qu'on peut garder, je pense, un peu plus longtemps. Parce que je pense qu'il est moins fort que Touré, mais qu'il est bon quand même. Et ce qui fait que c'est le genre de joueur qu'on peut peut-être arriver... Déjà, on vient de le faire signer pro, donc il a encore 3 ans de contrat. Et c'est le genre de joueur qui est peut-être pas assez fort pour aller jouer tout de suite en Ligue 1, mais qui est déjà au niveau en Ligue 2. Donc, c'est le genre de joueur sur lequel construire. C'est peut-être pas forcément assez fort. Je sais pas s'il est plus ou moins fort Touré, mais il est moins. Il y a moins la lumière sur lui. Touré, il fait 2m10, il met un coup d'épaule, le mec, il finit en tribune. Il a plus la lumière, mais peut-être plus ou moins fort, je sais pas, mais je suis d'accord. C'est le genre de profil qui pourrait rester. Et du coup, si jamais Touré doit partir, tu peux avoir une défense à 3, Mayembo, Jibo et Sanganté l'année prochaine, déjà. Bah, c'est plus facile de capitaliser sur, quand t'es en Ligue 2, sur des jeunes qui sont bons, mais pas si bons que ça, plutôt que de capitaliser sur des joueurs qu'en fait, qui sont beaucoup trop forts et qui vont partir tout de suite. Bah, Sanganté, c'est, comme on dit, c'est un peu moins bankable, quoi. Ça vend moins du rêve que Touré, c'est un peu moins bon aussi. Qui est pro à 17. C'est... À l'heure actuelle, ça reste à démontrer. Hein. Je pense qu'en début de saison, Sanganté, il a prouvé qu'il regardait les autres dans les yeux. Il n'y avait pas de souci. On ne va pas préjuger de la carrière future des uns et des autres. Mais comme tu dis, pour le moment, c'est très bien et ça fait très bien le café pour ce qu'on en a. Et que, effectivement, dans l'objectif de construction qu'on peut avoir d'un effectif à 2 ou 3 ans, c'est sûr que Sanganté, c'est plus facile de le mettre dedans que de mettre un Touré qui, effectivement, est amené à aller voir beaucoup plus haut si l'herbe est plus verte en Ligue 1 ou apparemment, sur ce qu'on entend, probablement en Bundesliga, où il a une certaine cote. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu plus facile à envisager. Mais bon, là, on est en train de faire de la projection à long. Après, je viens de regarder, Sanganté, il a joué le double de match de Touré en cette saison. Il a convaincu Polo que Touré, il n'avait pas besoin d'être convaincu. Il savait déjà qu'il était à ce niveau-là. Messieurs, nous en avons parlé de ce match suffisamment longtemps. On va laisser la parole aux auditeurs internautes. Activez-vous, c'est parti. Il n'y a pas eu grande activité sur les réseaux sociaux samedi après-midi. Beaucoup de gens, je pense, étaient un petit peu déçus et surtout avaient vite envie peut-être de se mettre à l'abri au coup de sifflet final, mais on va quand même défiler quelques messages que nous avons vus. Vous savez ce que c'est, un bon activez-vous ne serait pas un bon activez-vous sans une ouverture avec John Kenzo. Donc la plus grande action du match, c'est la madame qui a passé son après-midi à traquer les personnes debout dans le COP pour pouvoir envoyer la sécurité. Tu confirmes, Polo? Je ne sais pas qui est John Kenzo sur Twitter, mais je pense que c'est la personne qui était juste à côté de moi au stade. Oui, et ils ont fait ça que dans le COP. Parce que dans les autres tribunes, ils le faisaient pas. Dans le COP, on était, dans le bas du COP, on était quoi, les 50? Sur les 50, on devait être 10 ou 12 debout. Ils ont passé tout le match, les stadiers, à venir nous voir, nous dire de nous asseoir. Dès qu'ils partaient, tout le monde se relevait. Et il y a la madame de la sécurité qui est venue et puis qui demandait à ces gars de nous faire asseoir. Et à un moment, ces gars, ils en ont eu marre parce que forcément, ils nous demandaient de nous faire asseoir. Puis quand tu levais la tête, puis que tu regardais en latéral, tout le monde était debout, surtout à la mi-temps. Ils nous demandaient de nous asseoir à la mi-temps, en latéral, les 1500 personnes en latéral, tout le monde était debout. C'était ridicule. C'était juste ridicule. Je pense qu'elle s'est pourri son match. Elle a pourri le match de ces gars. Puis elle nous a un peu pourri le match aussi, même si on en rigolait, quoi. Mais ouais, c'était un peu ridicule. Heureusement que ça n'était pas de bière, parce qu'il fallait les prendre assis. Hein. Les buvettes étaient fermées. quelle honte. Même pas une petite binouse par ce temps-là. Ouais. Et enfin, on va aborder, après ce petit instant marrant, des réactions d'après-match, mais vous vous doutez bien de toute façon que c'est même pas très passionné et on savait à peu près ce qu'on allait avoir. Hackman, logique cette défaite, je sais pas, mais aucune occasion en seconde mi-temps. On peut pas y arriver avec une aussi faible attaque. Bon, bah, ça, on en revient toujours sur le sujet classique. Messieurs, on a entendu Le Guen en conf de presse. C'est compliqué, on cherche, mais c'est difficile. Et ajouter à ça, avec la vague de Covid qu'on se prend en ce moment, bah, les équipes n'ont pas envie de se découvrir parce que qui sait si dans 3 jours, ils n'auront pas 2 attaquants confinés pour 2 semaines et bah, le petit jeune de réserve, bah, il aurait pu être dans le groupe, voire titulaire. Ah ouais, non, mais c'est le cas pour tout le monde. Après, là, sur ce match, notre ligne d'attaque n'était pas vraiment touchée par le Covid, quoi. Donc, c'est ça qui, C'est ça qui est triste, c'est nos titulaires entre guillemets indiscutables et à part sur 20 minutes où c'était un peu intéressant, après ça s'est éteint. Est-ce que ça sert vraiment de recruter cet hiver? Franchement. Moi, pour moi, non. Bah, si t'as des espoirs, oui, si t'as pas vraiment d'espoir. Après, moi, en fait, ce que j'attends, c'est le retour de Thierry. C'est ça le truc. Mais combien de temps ça prendra, quoi? Bah après, honnêtement, est-ce que vous avez un quelconque espoir de monter, rien que de décrocher les barrages? Moi, j'y crois pas. Ah, si, bah, comme si, dirait un grand, je vois deux, trois équipes ne pas décrocher. C'est Ajaccio, Toulouse et peut-être Auxerre. Et encore. Et après, je me dis que tout est possible. Hein. C'est de la Ligue 2. T'es pas à l'abri de. Je souhaite pas, mais le meilleur joueur d'une des deux équipes devant se blesse. Et ça a du mal à tourner après. Un enchaînement difficile. Après, ça peut aussi nous arriver. Hein. On peut très bien finir 7-8e à la fin de la saison. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'on a passé le plus gros. Là où on est d'habitude vraiment catastrophique, c'est la fameuse octobre-novembre là. Et on a passé ça, donc tant qu'on n'est pas à plus de 10 points, j'y crois. Non, puis il y a encore de toute façon, on lui dit, les équipes en haut elles vont bien se rencontrer à un moment, donc ça va, il y a au moins une équipe qui va se neutraliser. Ensuite, c'est à nous surtout d'arriver à imposer un peu notre loi au stade Océane. On n'y arrivera pas. De toute façon, on peut prendre le problème par tous les bouts. T'as beau être la troisième équipe à l'extérieur à avoir perdu qu'un seul match sur la phase aller, si t'es pas capable d'enchaîner trois victoires de suite à la maison face à des équipes moins fortes que toi, peut le prendre dans tous les sens, ça va pas. Et il y a des, il y a des, voilà, et il y a des, les deux messages que je vais vous donner derrière ensuite ne vont dans un peu dans ce sens. Roméo Clos, tournant de saison égale défaite, c'est mathématique. Ça, c'est le premier match. Et ensuite, un dernier message de Nicolas Wagner, qui est chroniqueur à Lucarne Opposée. Défaite à domicile contre Ajaccio et Sochaux. Le hack foot ne mérite pas d'être dans le top 5. Et je rajouterai une autre défaite face au Paris FC. Donc, on a perdu quand même à la maison face à Paris, Ajaccio, Sochaux. Bon, bah on en conclura ce qu'on voudra. Mais c'est vrai que ça la fout mal si tu as un objectif d'être dans les top 5, d'avoir déjà perdu face à trois des équipes de ce top 5 à la maison. Tu rajoutes le nul aussi à la maison contre Toulouse. C'est un bon nul pour ouais. le coup. Ouais, c'était un bon nul. Hein, voilà, c'est pour le, j'ai envie de dire, voilà, justement, pour le coup, celui-là, il a plus un petit goût sucré qu'un goût amer pour les autres. Ouais, non, mais c'est pour même en soi, les la stats, quoi. Là, ouais, après, c'est ce que j'ai dit voilà. Un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on revit pas ce qu'on a déjà vécu de nombreuses fois où plein d'années on jouait la montée mais on se retrouvait toujours à perdre contre les concurrents directs à la maison? Je me souviens en 2003, ça remonte, une défaite contre Ajaccio à domicile et au final, à la fin de l'année, t'es relégué pour un point face à Ajaccio. On n'en parle pas de cette fin de saison là qui était juste absolument horrible. Il y avait tout, toute façon. Ouais. En 2004, t'as une occasion en or de mêlé à la course pour la montée, puis bah, le match charnière contre Amiens, tu le perds à domicile. En 2007, le match hyper important contre Strasbourg à Deschazeaux, tu le perds. Enfin, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'histoire qui se répète, le cycle éternel, oserais-je dire. Mais ouais, je... là, en plus, deux fois de suite, quoi. Deux matchs à domicile de suite. Heureusement qu'il y a un petit miracle à Auxerre, qu'on a de la réussite à Auxerre, parce que sans ça, là, on commencerait à être bien décroché, je pense. Ouais. Et en plus, moi, c'est ça qui me fait mal, c'est que le match contre Ajaccio, on doit le gagner tous les jours, vu le nombre d'occasions qu'on loupe, les poteaux, tout ça. Et là, ce match-là, c'est l'inverse. Je pense pas. Ouais. Je pense pas qu'on mérite de le gagner hier. On n'arrête pas de le perdre. Deux frappes, dont une seule en deuxième, enfin une dans chaque mi-temps pour Sochaux. C'est sur ces détails qui font mal. Alors oui, faut jamais refaire le match, mais là, au moins hier, c'est forcément minimum un point qui doivent revenir. C'est pas zéro, quoi. Et si en fin de saison, il y a une égalité de points ou il manque un point pour être en barrage, bah, on repensera à ce match où on s'est pris qu'une frappe et qu'on s'est pris un but, quoi. Mais au final, sur le match, hein, c'est 3 tirs cadrés pour le HAC, 2 pour Sochaux. Les deux équipes se sont quand même bien neutralisées dans l'ensemble. Bon, c'était pas un match, c'était une pièce. Excuse-moi, ouais, bon, en termes d'occasion, je dirais quand même un petit peu léger avantage le HAC, mais on ne peut pas dire que Sochaux méritait de gagner. On ne peut pas dire non plus qu'on méritait amplement la victoire, mais à la fin, on a perdu. Tu sais, le Sochalien, le NDI à la 31e, s'il loupe pas son immanquable, ça fait un zéro au bout de la demi-heure. Mmh. Et là, tu t'en mords les doigts parce que ta première demi-heure, elle est relativement bonne. Et puis après, t'as pas puni. Tu n'as pas puni. C'est ça le problème, c'est qu'on punit pas. À un moment, on voit pas comment on peut punir parce qu'à la fin, ouais, on a des bonnes montées, on arrive toujours. Mais à la fin, quand on est devant le but, bah, on attaque à combien? On est combien devant les buts? Je sais pas si vous avez vu passer le tweet, c'était juste avant le match. Ah, je sais plus qui a tweeté ça. Où il y avait de toutes les équipes de deuxième division, un tableau où il y avait le nombre de tirs de totaux depuis le début de saison, le nombre de tirs, le nombre de tirs cadrés, pourcentage tirs cadrés, pourcentage de buts sur les tirs et le nombre de grosses occasions manquées. Même s'il y a toujours un biais, parce que qu'est-ce qu'on considère comme une occasion ou quoi. Et on voyait que le HAC, en nombre de tirs, on était clairement inférieur au reste des équipes, du haut de tableau. Qu'en pourcentage de tirs cadrés ou de buts sur les tirs, on était légèrement en dessous, mais c'était pas tant significatif que ça. Oui, parce qu'en début de saison, on surperformait justement. Ouais. On réussissait à marquer beaucoup de buts en peu d'occasions. En termes de nombre d'occasions, de grosses occasions ratées, on est largement en tête et nettement devant le deuxième, quoi. Alors je sais plus qui avait tweeté ça. Bon, ça montre, je trouvais que ça résumait bien la saison du HAC. Il y a une image symbole d'ailleurs là-dessus, c'est qu'en première mi-temps justement, t'as Quentin Cornet qui part de son aile au niveau du poteau de corner, qui réussit à rentrer dans la surface. Il lève la tête et il centre tout droit, alors que tous les autres sont pratiquement le plus près, c'est Boutaïb, il est entre la ligne de la surface et le point de pénalty décalé. Et je vois Cornet centré, il dit, mais en fait, il a voulu faire quoi là? Parce que j'ai pas compris. Et en fait, il y avait personne. Il y a personne. Non, on n'est pas capable d'avoir. Ils sont deux à chaque fois. Ils sont trop loin. Deux dans la surface. Ils sont trop loin. Deux dans la surface. Et surtout, le corner. On a personne dans les surfaces sur les corners. C'est pareil. Enfin. Excuse-moi. En fait. Non, mais c'est ça. Et en fait, le problème de ce dispositif, qui devrait être un avantage, c'est les pistons. Et les pistons sont trop bas. Parce que là, sur le centre de Cornet, je vois à peu près ce qu'il veut faire. En fait, le problème, c'est qu'Alioui et Boutaïb font à peu près le même appel. C'est un appel vers le centreur, donc Alioui un peu plus en retrait, Boutaïb plus au poteau. Sauf qu'au deuxième poteau, il n'y a personne. Mais là, si tu mets côté gauche, je crois que c'est Waib. Si tu mets un Waib qui arrive côté gauche, enfin, s'il y a un latéral qui arrive côté gauche, même s'il va pas frapper, il peut remettre dans la boîte. Et Waib ou Baldé, ils étaient trop loin. Et on l'a entendu à la mi-temps, Bonnet, il a été interrogé. Et ils ont dit, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans ce match? Il fait, faudrait que les pistons soient plus hauts. Et ça n'a pas été le cas. Donc, en fait, Polo, je sais pas si c'est Polo qui fait ça, ou comme on le dit souvent, vu qu'on est une très bonne défense, on s'appuie là-dessus, mais ça prend pas de risque, c'est frileux le HAC. Le HAC, c'est frileux. Il y a des consignes très défensives, ouais, je pense que c'est pas possible autrement. Alors, regarde juste sur nos corners défensifs. On a systématiquement nos 11 joueurs dans notre surface. Il y en a même pas un qui reste au milieu de terrain pour partir en contre ou pour aspirer 2-3 joueurs adverses. C'est systématique. Même quand on est à domicile contre une équipe qui est moins forte que nous, corner défensif, on est à 11 dans notre surface. C'est un truc que je comprends pas, ça me rend fou à chaque fois que je vois ça. Et hier aussi, je crois que c'est en première mi-temps, où il y a une contre-attaque, je crois que c'est Alioui qui part. Il y a Boutaïb qui court et Cornet, et ils étaient allés en 3 contre 3, et à la fin de l'action, ils sont en 3 contre 7. Et il y a personne qui a suivi, tout le monde est au milieu de terrain, et là tu fais... Et moi, j'ai été dans mon canapé, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi? C'était à la maison, t'es à la maison, il y a 0-0, tu peux aller tuer l'adversaire. En plus, c'est pas comme si c'était là où t'étais le meilleur. Et c'est trop frileux. Alors, je sais qu'en ce moment, il fait froid et qu'il pleut, il faut mettre des écharpes, des doudounes et tout, mais il faut se découvrir un peu. Parce que si tu prends pas, c'est le fameux adage, si tu prends pas de risque, si tu joues pas, tu peux pas gagner. Et là, hier, ça a payé pour Sochaux, quoi. Ils ont pas joué plus, mais eux, ils se sont dit, on a rien à perdre. Et sur une occasion nette, ils ont marqué. Sochaux, ils étaient venus pour prendre un point et plus s'il y a moyen. Bah, il y a eu moyen, ils ont pris leurs 3 points. Donc, je suis d'accord avec toi. Quand t'attaques à 3, le cal, il monte jamais. Bonnet, mine de rien, il monte pas tant que ça. Ça fait plusieurs années que c'est quand même un joueur qui est plutôt en mode passe en retrait que je prends le risque d'aller vers l'avant. Bah, les deux pistons, mine de rien, il n'y a pas de défenseur latéraux ou d'ailier. Il joue le rôle de deux postes. C'est compliqué aussi de faire les allers-retours. Ouais, mais ce problème-là, il n'est pas nouveau en plus. Hein, parce que sous Tancho, il y avait déjà le problème. Donc, Et quand tu vois juste l'attaque d'Ajaccio contre nous, là, en fin de match, ah bah ils étaient peut-être pas 8 à partir, hein, mais ils étaient 3-4. Et t'en avais un qui part côté gauche toute balle, t'as Courté qui est dans l'axe et bim bim, hein, ben net. Voilà, bah nous c'est ce qu'on devrait faire, mais on le fait pas. Du déséquilibre assumé pour pouvoir finir les attaques, voilà peut-être d'où viendra notre salut. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir à un moment peut-être, comme tu le dis, assumer de se découvrir sur certaines occasions au risque de prendre un pion. Mais ça, on verra sur la deuxième partie de saison si on pourra se lever un peu plus souvent de notre siège et lever les bras assez souvent par rapport à ce qu'on a connu en première partie. On n'a pas le droit de se lever. Il faut rester assis. ce sera le mot de la fin. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie des nouveaux épisodes. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr ainsi que sur notre site actu.fr. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.